tout a changé de côté, oh. Paripana, elle a changé de côté, oh. Je vais partir le coupé, oh. Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou, oh. C'est deuxième Gaou qui est Nyata, oh. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, oh. C'est deuxième Gaou qui est Nyata, oh. Tu marches matin et coco. Deuxième Gaou qui est Nyata, oh.